Pour terminer ma présentation des pièces de théâtre que j'ai sélectionnées chez Corneille, voici maintenant quelques extraits de la tragédie de Polyeucte. Nous sommes en 250 après Jésus-Christ, sous l'empereur romain Décie, à Mélitène, capitale de la province romaine d'Arménie. Polyeucte, un seigneur arménien, vient d'épouser Pauline, la fille de Félix, gouverneur romain d'Arménie. Polyeucte a été secrètement converti au christianisme par son ami Néarque, et Néarque pousse Polyeucte à se faire immédiatement baptiser, malgré les pleurs de Pauline, qui, en rêve, a vu Polyeucte mort. Ce même rêve a fait craindre à Pauline le retour de Sévère, chevalier romain, à qui elle fut fiancée et qui a disparu dans un combat. Mais Sévère revient, couvert de gloire militaire et favori de l'empereur Décie. Et juste avant de retrouver Pauline, Sévère vient d'apprendre son mariage avec Polyeucte.